Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Qui est arrivé, Sophie Laforêt, qui vient nous présenter ses choix de l'année 2009, les meilleures pièces. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, ça va bien, oui. Donc, vas-y, en fait, je voulais pas dire décroche-toi la mâchoire, mais prépare-toi. C'est un oral aujourd'hui, toi, en plus. Hein, fait que, oui, tu vas en pouvoir plus, faire tes vocalises à la radio. C'est ça, l'avantage de faire la radio, de la radio le matin, même si des fois la langue nous fourche parce qu'on n'est pas tout à fait réveillé. Ouais. Donc, c'est ça, aujourd'hui, encore une série de pièces. On verra combien de temps on aura pour en présenter, ou au moins quelques-unes. On va faire notre possible. Oui. Donc, la première formation, en fait, le premier album que je vais vous présenter, c'est un album de la formation Handsome Fears, qui est une formation de Montréal, qui fait dans l'électro, indie, punk. Bon, là, je vous nomme un peu des influences. Et c'est l'album Face Control, dont il est question. Et on va aller entendre donc une pièce que j'apprécie beaucoup, l'album. En fait, si vous aimez la pièce qui va suivre, vous allez vous risquer d'apprécier l'album en entier. C'est très accrocheur. Génial. Donc la pièce s'appelle Legal Tender. Legal Tender. Exact. Donc on va aller écouter ça, la pilule du lendemain sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, les choix de Sophie Laforêt pour 2009. Sur cette belle distorsion, c'était la pièce Legal Tender de la formation Handsome Fears dans le cadre des choix musicaux de Sophie, qui est moi-même, pour 2009. Et on va aller entendre un autre de mes choix de l'année 2009, soit une artiste que j'apprécie beaucoup, en fait, un peu trop peut-être même des fois. Je sais que je la fais souvent passer à mon émission régulière. C'est une auteure-compositrice-interprète suédoise qui s'appelle Fever Ray. Et c'est aussi l'ancienne membre du groupe toujours suédois The Knife qui faisait dans l'électro. Et la pièce qu'on va entendre s'appelle Now's the Only Time I Know, d'un album éponyme qui est paru en 2009. On va écouter ça à la pilule du lendemain sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est l'artiste suédoise Fever Ray, de son vrai nom Elisabeth Andersson Dreyer. Et c'est la pièce qu'on a entendue d'un album éponyme qui s'appelle Now's the Only Time I Know, dans le cadre de mes choix de 2009. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Une artiste qui peut... Je ne veux pas la comparer à Björk, parce que dans ma tête, Björk n'est pas... Elle est inatteignable un peu, inatteignable, Björk, hein? Mais un peu une démarche, là, au sens où elle a fait autant la conception musicale, même visuelle de ses spectacles, très impliquée, vraiment une artiste complète. Ah, ben c'est génial. Oui, à découvrir, cette oui, artiste. Oui, je vais essayer de la découvrir, justement. Oui. Et là, c'est le temps de ton deuxième cadeau de Noël. Ah Simon. Oui, c'est vrai, j'ai un cadeau un matin. Oui, parce que ceux qui ont écouté l'émission hier, j'avais annoncé, en fait, que comme je connais... un peu les goûts musicaux de Simon, qui sont situés habituellement avant les années 80. Habituellement, oui. habituellement, même si on sait que tu aimes la musique actuelle également. Je sais. Alors moi, ce que je proposais à Simon, c'était de lui présenter hier et aujourd'hui, pour chacune des journées, une formation ou un artiste qui était actuel, mais qui utilisait des influences là, plus évidentes, si on veut, de cette période-là, soit les années 70-80. Oui. Et hier, tu nous disais que tu étais un fan des Beach Boys. Puis là, oui. Je t'avais parlé d'une formation qu'ils faisaient dans le psychédélique surf pop, oui. Indie, en tout cas. Pièce qui était très bonne en plus hier. Oui, qui était très bonne hier. Puis là, aujourd'hui, c'est la formation Real Estate, donc que j'ai envie de te présenter avec comme des influences justement psychédélique surf indie. La pièce qu'on va entendre s'appelle Fake Blues. Et cette pièce-là se retrouve également sur le top des chansons de l'année du magazine américain Pitchfork. Ah ben, décidément, faut que je m'y mette. On va aller écouter ça à la pilule du lendemain sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, Les Choix de Sophie 2009. C'est la formation Real Estate avec la pièce Fake Blues de leur album éponyme qui est paru en 2009. C'était mon cadeau de Noël. Le deuxième cadeau de Noël de Simon Fitzgé. J'ai bien aimé ça, c'était délicieux. Donc, c'est une formation du New Jersey et leur album est paru en novembre 2009, donc c'est assez récent, là, fin ouais, de l'année. Même. C'est sorti en plein dans le bon moment. En plus, ça fait un très beau cadeau de Noël. Exactement. Très bonne idée. Suggestion de cadeau de Noël ici. N'est-ce pas, maman? On passe le message. Et donc, je vais vous proposer encore deux dernières pièces avant de vous quitter pour mon cours de méthodologie. Et oui. Et on va l'entendre. Ça, c'est vraiment un album très, très récent. Soit la pièce de Charlotte Gainsbourg. Donc, elle a sorti un album le 7 décembre, donc la semaine dernière. Oui, album que j'espère me procurer dans les plus brefs délais. Autre suggestion de Noël. Oui. Et l'album s'appelle IRM. Et la pièce qu'on va entendre s'appelle Even Can Wait. Et l'album a été produit par Beck. Oui, et il collabore sur cette pièce-là. Excellente pièce. Beck, qu'on a entendu d'ailleurs ce matin avec Leopard Skin Pillbox Hat, une reprise de Bob Dylan. Mais maintenant, on va aller l'entendre avec Charlotte Gainsbourg sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Vous écoutez La Pilule du lendemain. C'était Charlotte Gainsbourg en compagnie de Beck avec la pièce Heaven Can Wait de l'album IRM qui est paru le 7 décembre dernier. Et on va se laisser avec une dernière pièce de mes choix musicaux pour 2009, soit une pièce de Saint-Vincent, qui est une artiste qui a fait paraître un deuxième album cette année. Et il s'agit de l'album Actor. Et c'est un album qui est paru en mai 2009. Et cet artiste-là, son vrai nom, en fait, là, c'est Saint-Vincent, pardon, mais son vrai nom, c'est Annie Clark. Et je vous conseille fortement de faire une recherche sur Internet pour aller voir ses vidéos d'elle en spectacle, parce que son approche est vraiment différente que ce que vous allez entendre ce matin, qui est une pièce beaucoup plus énergique, parce qu'elle a une approche là, qui peut être vraiment plus acoustique, vraiment plus chaleureuse. Et en tout cas, certaines vidéos là, de ses spectacles sont... tout à fait charmant. Puis, si vous avez envie, je mettrai un lien sur mon blog sophieaimelamusique.blogspot.com. Je mettrai un lien de ces vidéos-là que je vous conseille d'aller voir. Un blog qu'on conseille à tout le monde en plus, puisque ça peut nous informer sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de musique que tu aimes, Sophie. Donc, c'est génial, puisque tu as de très bons goûts musicaux. J'aimerais te remercier beaucoup d'être venu ces deux derniers jours. Tu m'as beaucoup épaulé. C'est vraiment génial. Donc, on a une diversité musicale ce matin et aussi hier matin à la pilule du lendemain. Donc, on va aller écouter Saint-Vincent avec Actor Out of Work. Je te souhaite un merde pour ton oral que tu t'en vas passer. Merci donc, beaucoup. Bientôt. Bonne journée. Bonne journée de la part de Sophie. Oui, je te souhaite de joyeuses fêtes si jamais on ne se revoit pas. Donc, sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez la pilule du lendemain avec le dernier choix de Sophie de la journée. Merci de nous écouter. You're a c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de C'est Fou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.